Page 23. Activité 7. Piste 17. Thomas est français. Emma est française. Nam est vietnamien. Anvi est vietnamienne. Pascal est canadien. Sophie est canadienne. Mike est américain. Virginia est américaine.